Et en bas, comme au bas de la pente amère, cruellement désespéré du cœur, s'ouvre le cercle des six croix, très en bas, comme encastré dans la terre mère, désencastré de l'empreinte immonde de la mer qui bat. La terre des charbons noirs est le seul emplacement les croix de terre et l'homme nu sur le cheval arbore un immense fer à cheval qu'il a trempé dans une coupure de son sang.